à Paris, 15 mars 1671. Monsieur de la Brosse veut que ma lettre l'introduise auprès de vous. N'est-ce pas se moquer des gens? Vous savez l'estime et l'amitié que j'ai pour lui. Vous savez que son père est l'un de mes plus anciens amis. Vous savez vous-même le mérite de l'un et de l'autre. Et vous avez pour eux tous les sentiments que je voudrais vous inspirer. Vous voyez donc bien que ma lettre ne peut lui être utile. C'est à moi qu'elle est très bonne, car en vérité j'aime à vous écrire. C'est une chose plaisante à observer que le plaisir qu'on prend à parler, quoique de loin, à une personne que l'on aime, et l'étrange pesanteur qu'on trouve à écrire aux autres. Je me trouve heureuse d'avoir commencé ma journée par vous. Le petit Péquet était au chevet de mon lit pour un épouvantable rhume qui sera passé quand vous recevrez cette lettre. Nous parlions de vous, et de là je passe à vous écrire. Je dois passer cette journée avec moins de chagrin que les autres. Pour hier au soir, j'avais ici assez de gens, et j'étais comme Vincérade. Je me faisais un plaisir de ne point coucher avec M. de Vintadour, comme cette pauvre fille qui a eu cet honneur. Vous savez que Vincérade ne se consolait de n'être pas M. d'Armagnac que parce qu'il n'était pas M. de Saint-Hérem. Mais qui me consolera de ne point recevoir de vos lettres? Je ne comprends rien au poste, elles sont déréglées, et ces gens si obligeants, qui partent à minuit pour porter mes lettres, n'ont point assez de soin pour me rapporter vos réponses. Nous parlons sans cesse de vos affaires, l'abbé et moi. Il vous rend compte de tout, c'est pourquoi je ne vous dis rien. Votre santé, votre repos, vos affaires, ce sont les trois points de mon esprit, d'où je tire une conclusion que je vous laisse méditer.